tu me vois, qu'on a encore le temps. Dis-moi pourquoi j'ai froid. Et toi, qu'est-ce que tu peux répondre à cette vie qui s'en va et toutes celles qui s'effondrent et vouloir encore ça? Dis-moi que toi aussi tu pleures, d'aussi fort que tu sois, que tu ne comprends pas, que tout ça te fait peur. Et parler d'un...